Bienvenue dans Holiday Mix. Accroche-toi. C'est parti. Pour une heure 100% dance floor. 100% dance floor. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Holiday Mix. Nous sommes ensemble pour 60 minutes avec aujourd'hui une heure 100% Afro House, une heure pour danser à la plage avec notamment dans quelques minutes le Rompelou de Astro. Il y aura également Hugel qui a remixé le Hold Me de Anna Wants et Ara. Mais on va démarrer ce Holiday Mix Afro House avec Blondish, voici Self Love. Bienvenue dans Holiday Mix. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Floor. Le meilleur du dance floor. Avec Monsieur Cortez. Monsieur Cortez. We'll be right back. se acabou, Cleda mata na cachoeira, passou. Rever seus filhos na terra, fazendo bem o amor. Correu a gira, girou. Os males de todo mundo para o espaço levou. En mode Afro House avec ce titre de Unfazed Ajira et un parfum vocal do Brésil. Avant cela, vous avez pu écouter Princess V, Guy Macaire avec Harmonica et il y avait également Rafa Guido avec son Famax sorti en 2024. Pour la suite, dans quelques minutes, vous pourrez écouter Nisxu avec Lélé ainsi que Forester et sa reprise du Midnight City de M83. Ça, ce sera dans quelques minutes, mais dans l'immédiat, voici Shane Chantiaï qui a remixé un classique de Charles Aznavour, Je t'attends. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Viens, ne tarde pas. D'où que tu viennes, qui que tu sois, viens le temps. We'll be right back. se meurt quand meurt le temps. Ce temps mort que je regrette tant et tant. Car sans toi ma vie s'arrête et je t'attends. J'attends l'air que je respire et le printemps. J'attends mes éclats de rire et mes vingt. Et mes calmes et mes tempêtes en même temps. Car sans toi ma vie s'arrête. We'll be right back.

Monsieur Cortez. Thank you. pour Latin House aujourd'hui dans l'idée mix avec Hugel, encore lui, accompagné sur ce titre par Deron et La Payara. Ça s'appelle Coge El Paso. Et auparavant, vous aurez sans doute reconnu l'incontournable Take It Easy on Me de Bob Sinclair et Michael Echo. L'idée mix, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et on va terminer ce set Afro House avec David Penn et KPD qui ont revisité le classique Jingo. Bye bye à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau Holiday Mix. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. bacan. Muchacho guapo, ven pa' acá. Muchacho guapo, ven pa' acá.